L'aigle et l'escarbot. Fable 8 du livre 2e des fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr. Mais, ou mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle, fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever, malgré moi, ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui, de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot indigné vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, de rechef, est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ces bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux enfin, implore l'aide, dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que, pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi, qui les irait l'apprendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les yeux à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance, avec maintes autres extravagances. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle, enfin, qu'elle avait tort. Mais, les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver et, comme la marmotte, se cache et ne voit point le jour. Fin de L'aigle et l'escarbot. Fable 8e du livre 2 des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.